Les mecs jouer, j'entends juste les potes. Hein. C'est en train de jouer chez toi là. Non, mais y'a pas d'audio, enfin, je sais pas, j'entends rien. Ah, j'entends plus le métronome, moi, j'ai pas le son. Il y a un truc à faire pour avoir le son des guitares, enfin les gens qui jouent. Thank you. Thank you.